Aïwa, police d'état, y'a pas de rat. Le quinquin venu de l'ouest africain, viens foutre son grain. C'est l'appel qui tu veux, mon carte est martel. Du travail de pro, le résultat est nickel, ma belle. Sur le chiquier, l'altesse, la tour en mission. Opération du bon son, deux voix graves en salve. Nazoya, encore le sac à saka. Puis c'est le sipa, celui qui tient sa trique du gingembre de l'Afrique. Je me promène dans ma ville, j'ai l'impression que tout le monde me connaît. Mais qui veut me poignarder, qui veut me tester? Je guette de droite à gauche, mon secteur A t'as déjà traîné. Tché, j'ai la puissance du piton, comme les vieux pères du dis bonjour, v'là les boss, la flambe en bosse. Les Giorgios, Maltos, Tanway, croco du rap braillé. Nos stratégies, cellules cérébrales grillées. Notre barrio, tu le sais, à deux pointillés. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, sur la basse, bouge tes fesses. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, j'ai déjà la main dans le tiroir caisse. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, voix de basse et l'altesse. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Laisse-moi m'asseoir sur tout le bise. Arrête tes bêtises, marche pas sur les plates-bandes car c'est ta femme que je courtise. Peser, gagner, la tirer en une prise. À minuit, quand toutes les chutes sont grises. Adultère et l'obsa, s'il fasse la baise, arrive pas. Toi, arrive pas, ça se trouve, on fourre la tienne et tu le sais même pas. Bon, arrête là, maintenant tu sais qui pèse et qui ne pèse pas. Depuis t'un aigle à peg, nominé pour le secteur A. Day, passé, ici, tu suis, sans souci. Nominé au premier prix, sans surprise, mon terminé. On monte sur le podium, nos smokings sont taillés. On lève les bras et on arrache le trophée. Tout le monde applaudit, y compris nos ennemis. J'arrange mon nœud de pape et je leur souris. La grande classe, bébé. La grande classe t'aspé. Et jusque dans les coulisses, on est toujours bien escorté. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, sur la basse, bouge tes fesses. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, j'ai déjà la main dans le tiroir caisse. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, voix de basse et l'altesse. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Pas de fiasco chez les négros qui braquent au micro. Dans notre business, y'a pas de Tony Brasco. J'déniche la taupe, fourgue la dope. La bonne cam qui a passé la douane et qui débarque chez toi juste à l'aube. Servi par des cibelles, tâche ma halle verbale. Futile à la tienne, les rues nous appartiennent. Ouais, ouais, j'pèse comme Gainsbar. Des bars et des bars, du wari wari. Ce soir, négro, y'a pas de lézard. Veux des sensations si pour toi le temps est gris. Grippe dans ta gorge, l'atmosphère est pourrie, Paris. Nous voici ta décadence, tes boîtes de nuit. On va maquer tout ça et se faire un max de profit. Haha, je suis vraiment à Paris. Ouais. De Sarcelles, je suis passé à Neuilly. Oui. C'est donc ça la vie. J'ai réussi, j'ai envoyé assez de blé pour construire au pays. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, sur la basse, bouge tes fesses. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, j'ai déjà la main dans le tiroir caisse. Wesh. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, voix de basse et l'altesse. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Wesh, wesh. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, sur la basse, bouge tes fesses. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, j'ai déjà la main dans le tiroir caisse. Wesh. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. Ahmed Day, double S, voix de basse et l'altesse. Prends garde de mecs grillés sur la sellette. La sellette, la sellette. Laisse tomber, chain, laisse tomber, chain, laisse tomber, chain. Tu le sais, bébé, tu le sais, bébé. Madame Racia, secteur A, tu le sais, bébé, tu le sais. Ouais.